Bon, il est très vite bourré quand il va en concert, du coup il danse. Et du coup t'as vraiment le son qui bouge à fond, et ça c'est pas super, ça fait presque un peu la jambe. Là ouais. Connard.